outrage, voudrais-tu voir apparaître? Je peux être l'envers de l'image ou dévoiler son contraire. Si j'étais un rêve éphémère que tu devais conquérir, serais-je une ombre passagère? Ton avenir est juste un geste de vous et je suivrai le message. Un regard qu'on déjoue et je tournerai la page. Sans rien dire, d'un sourire, faire semblant de ne rien voir. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut pour savoir, pour m'avoir. Si j'étais sans mystère, quel courage aurais-tu pour me connaître? Je peux être moi-même, qu'un visage ou te rester étrangère. Si j'étais un loup solitaire que tu devais découvrir, oserais-tu vraiment le faire sans me prévenir? Juste un geste de vous et je suivrai le message. Regard qu'on déjoue et je tournerai la page. Sans rien dire, sourire, faire semblant de ne rien voir. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut pour savoir, pour ma voix, pour ma voix. Comment tu m'attends? Je t'attends autrement. Que sais-tu de moi? Si c'est un autre que tu vois, comment d'un reflet, un reflet différent, viendrais-tu à moi? Si c'est un autre, si c'est un autre que tu vois, juste un geste de vous et je suivrai le message. Un regard qu'on déjoue et je tournerai la page. Sans rien dire, un sourire, faire semblant de ne rien voir. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut. Juste un geste de vous, un regard qu'on déjoue. Sans rien dire, un sourire. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut. Juste un geste entre nous, c'est ce qu'il me faut pour savoir, pour ma voix. C'est ce qu'il me faut. Ba-da-da-da-da, pap-da-day. Ba-da-da-day. Ba-da-da-da-da, pap-da-day.